Tantra. Les fesses en l'air, levant avec peine son visage de l'oreiller qu'elle a copieusement mordu pour étouffer ses cris, Nathalie demande d'une toute petite voix. Scheherazade peut-elle poursuivre son récit? Toujours en elle, je me penche sur son dos, passe mes deux mains sous sa poitrine et pince amoureusement de framboises encore érigées par l'orgasme. J'attends avec impatience la suite de ton voyage au royaume du Tantra. Elle rit, se dégage et se retourne d'un bloc me faisant rouler dans ses bras. Je ne sais pas si les sultans faisaient l'amour comme ça, mais je crois que tu méritais la suite de l'histoire. Un tendre baiser, et cette fois, c'est moi qui blottis ma tête au creux de son épaule, le nez contre son cou, un bras en serrant sa taille. On dirait qu'elle hésite, et comme si elle craignait que quelqu'un d'autre l'entende, poursuit d'une toute petite voix. Je crois que j'en étais resté à mon déjeuner avec Béatrice, alors qu'elle me proposait d'appeler l'Institut de Tantra pour m'y inscrire. Je confirme. Exact. Maintenant que j'ai à peu près compris ce qu'était le Tantra, je crois que je vais pouvoir suivre. Un petit bisou pour la route et Nathalie reprend son récit. J'ai fini par céder et Béa leur a téléphoné directement du restaurant, prenant un rendez-vous pour le lendemain. Lorsqu'elle est revenue de la cabine, elle m'a dit en commandant un dessert et en levant son verre. « Voilà, c'est fait. C'est pour demain, 18h. » Sajni, la directrice, le recevra personnellement. Et elle a rajouté tout à trac. Profites-en pour aller voir ton gynécologue et te faire prescrire la pilule, parce que je suppose que tu ne la prends plus. Allez, ça s'arrose. Je suis resté mon verre en l'air, bouche bée, mais assez moqué de moi. Tu devrais faire attention à ne pas rester la bouche ouverte. Les bouches parisiennes ont la réputation d'être particulièrement curieuses. J'ai rapidement repris le contrôle. Je crois que j'ai dû lui dire quelque chose comme « La pilule pour un massage ?» Elle a eu un grand sourire puis m'a patiemment expliqué ce qu'était un massage tantrique et dans quelle philosophie millénaire il s'inscrivait. Le moyen de parvenir à l'orgasme tantrique et plus rarement à l'illumination que seules quelques personnes, avant de longues années de pratique, parviennent à atteindre. L'illumination. Là, je crois qu'elle m'a perdu. Je demande. Qu'appelles-tu illumination? Elle a comme une hésitation. À cet instant, j'ai la sensation qu'elle voudrait me dire des millions de choses, m'ouvrir des millions de portes, mais ce serait sans doute une digression qui nous égarerait totalement. Elle se contente de me dire « Je l'ai déjà évoqué la dernière fois. C'est un état modifié de conscience. Certains disent un état de conscience élargi. D'autres parlent d'extase. Cet état est un moyen de changer de plan de réalité, de percevoir ce qui d'ordinaire ne nous est pas accessible dans notre état de conscience habituel. » Je suis fasciné par ce qu'elle vient de me dire. J'en oublierai presque le sujet de notre conversation. Avec un sourire très tendre, elle me caresse la joue et revient au cœur du propos. Mais j'étais très loin de ça. La seule chose qui m'importait était de retrouver ma libido. Je ne sais pas si j'avais refermé ma bouche. Sans doute que non, car Béa m'a pris la main. « Ma chérie, c'est vraiment ce dont tu as besoin. » Elle a précisé en riant. « Tous les adhérents de l'Institut sont initiés au massage tantrique. » Certains depuis de longues années. En plus, je reconnais qu'ils sont beaux comme des dieux, donc, comme tu as déjà une longue pratique du yoga, en toute logique, tu devrais avoir ton premier rapport sexuel parisien dans moins d'un mois, d'où la pilule. J'ai dû passer par toutes les couleurs. J'ai fini par lui demander en quoi la pilule était indispensable et j'ai rajouté « Même à Paris, je suppose que les préservatifs doivent exister. » Elle m'a souri gentiment pour m'expliquer que je touchais là à la mystique tantrique, que rien ne devait s'interposer entre les corps des partenaires. Elle a rajouté « Donc, pour les pratiquants du tantra, l'usage de cet accessoire n'est même pas envisageable. » Bien entendu, rien ne t'oblige à avoir un rapport sexuel, mais vu ton état, c'est ce dont tu as le plus besoin. Je te rappelle ce qu'a dit ta psy. Chez l'homme comme chez la femme et pour toi tout particulièrement, le sexe est un besoin primaire. L'abstinence n'est pas une option. Je suis littéralement scotché aux lèvres de Nathalie. Elle me regarde anxieusement. Tu es sûr de vouloir que je continue? Je l'embrasse doucement sur un sein. C'est à toi de décider. Mais au point où tu en es, je me demande ce qui pourrait t'en empêcher. Je l'encourage comme elle me l'avait demandé en prenant sa main que je pose sur moi. Tu peux difficilement reculer maintenant. Je crois que je ne m'en remettrai pas. Constatant mon état désespéré, elle rit et reprend son récit. J'étais tellement... Comment dit-on? Oui, retourné, que pour changer, je me suis fâché. J'ai dit à Béa que son institut n'était rien d'autre qu'un lupanard. Je crois que je ne l'avais jamais vu aussi choqué. Tu ne peux pas dire une chose pareille. L'Institut ne fait qu'enseigner une philosophie et des pratiques millénaires. Ce qu'en font ensuite les adhérents ne regarde qu'eux. En dehors de conversations agréables dans le salon de l'Institut, où les gens font de plus en plus connaissance après les cours et discutent autour d'une tasse de thé, il ne s'y passe strictement rien. Nathalie marque une pause, me lance un regard en coin. C'est là que Béa m'a parlé du saphir. Elle semble attendre ma question, qui ne tarde guère. Oui, parlons-en. Qu'est-ce donc que ce saphir ? Petit sourire malicieux, elle a décidé de me faire languir. L'enseignement dispensé à l'Institut consiste en des cours portant sur la philosophie tantrique, l'anatomie, les chakras et les techniques de respiration et de massage. Quelques adhérents pratiquent en couple, mais la majorité est célibataire et le seul endroit de Paris où ils peuvent se retrouver pour mettre leurs acquis en pratique est le saphir. Comme un gamin, je marque mon impatience. Ah, nous y voilà. Nathalie me lance un regard en coin, elle joue avec mes nerfs. Tu m'as dit tout à l'heure qu'étant donné le degré d'intimité de mon histoire, je pouvais en différer le récit, et là je vois que tu es impatient de tout savoir, c'est un peu contradictoire. Entre ses paupières mi-closes, les lasers bleus de ses yeux me scrutent intensément. Voulez-vous tout savoir, Jeanrine ? Le retour au vouvoiement, l'emploi de mon nom et de mon prénom en français, surtout la façon qu'elle a eu d'appuyer sur le tout d'une voix de gorge atrocement sensuelle, m'ont littéralement liquéfié. Je reste là, muet, incapable même de penser. Elle continue de me scruter. « Serais-tu un petit cochon qui s'ignore, John ?» Je déglutis péniblement et un seul son sort de ma bouche. « Son faux air de prédatrice laisse instantanément place à un sourire solaire, ses yeux pétillent. « Je suis certaine que oui, au moins autant que je suis une cochonne, mais la différence c'est que moi je ne l'ignore pas. Une chose paraît certaine, j'ai autant envie de tout te dire que toi de tout entendre. » Je suis bien obligé d'admettre une évidence qui me déstabilise quelque peu. « Je crois que tu as raison. Mais Nat, en toute logique, suivant les règles morales de la bonne société, je devrais être terriblement jaloux et ne pas supporter de t'imaginer dans les bras d'un autre. Or c'est exactement le contraire. Je me sens profondément heureux, impatient et surtout excité de t'écouter. Y a-t-il une explication à un tel comportement ? » Son regard et son sourire sont d'une telle intensité amoureuse qu'ils font s'envoler mes derniers doutes. Elle caresse mes lèvres du bout de son index. « John, comment expliquer l'amour, notre amour en particulier ? Une telle fusion s'explique-t-elle ? » Elle rajoute avec une moue coquine. « Je n'ai jamais été très pudique et là, tu vois, je me sens encore plus impudique que d'habitude. » D'autant que je sais maintenant que je peux tout partager avec toi. » La voix de gorge qui vient de prononcer le mot impudique passe en mot de tendresse. La preuve est encore faite, s'il en était besoin, que nous sommes deux âmes sœurs. Nous nous aimons si fort. Embrasse-moi, écoute et regarde au fond de mon cœur. Je prends ses mains et me noie dans les lacs bleus de ses yeux. Je t'écoute, mon adorable impudique. Dis-moi tout, vraiment tout. Un baiser de feu. Puis elle vient se blottir dans mes bras et poursuit son récit. Les trois ou quatre clubs libertins de Paris, le saphir est le plus ancien et de très loin le plus raffiné. En dehors de l'ambiance générale très cosy, de son bar, de son restaurant et de la décoration de ses alcôves, son originalité se situe dans ses quatre salons équipés pour le massage. C'est le seul club de Paris qui offre cette prestation pour laquelle d'ailleurs il faut prévoir une réservation payante. Compte tenu de cette spécificité, due au fait que Serge, le patron du saphir, est un des plus anciens adhérents de l'Institut, il n'est pas rare que de nombreux adhérents de l'Institut s'y retrouvent. J'essaye de rester zen, mais ne peux m'empêcher d'imaginer Nathalie dans un salon de massage. Je bafouille lamentablement. Mon trouble l'a fait sourire. Ce n'est pas au sourire tendresse, mais au sourire tueur auquel j'ai droit. Le sourire qui vous coupe net la respiration. Le pire est donc à venir, et sa réponse me le confirme. Oui, j'ai. Au début, j'étais vraiment boulimique. J'allais deux fois par semaine. J'en avais vraiment besoin. Elle fait une petite moue de contrition démentie par un regard capable de dégeler l'Antarctique en une nanoseconde. Tu comprends ? J'avais quelques années de retard à rattraper. Mais après quelques mois, j'étais un peu calmé. Je n'y allais plus que tous les samedis soirs. J'ai de plus en plus de mal à respirer. Dans ma tête, des flashs plus érotiques les uns que les autres se télescopent. C'est la panique. Nathalie s'en rend compte et essaye de faire diversion. Tu sais, c'était inespéré. Au début, lorsque Béa m'en parlait au restaurant où nous déjeunions, j'étais plus que sceptique. Tu te souviens, je lui avais dit, mais Béa, comment penses-tu que je pourrais faire l'amour avec un homme sans même avoir fait connaissance au préalable? Elle avait été très persuasive. Personnellement, ça ne me pose aucun problème. J'ai souvent fait connaissance après. D'ailleurs, je crois me souvenir que c'était déjà arrivé aussi, et pas qu'une fois. Elle a ignoré mon regard assassin et poursuivi. Pour ce qui concerne l'aspect tantra, tu pourras faire connaissance après les cours avec des hommes charmants que tu pourras pour la plupart retrouver au saphir. Je t'assure, Nat, que ces massages sont un très bon moment à vivre, et même si tu n'as pas de rapport, ce à quoi rien ne t'oblige, je suis persuadé que tu en ressortiras apaisé, en harmonie avec la terre entière. J'avoue que ces paroles m'ont un peu déstabilisé. J'ai tout de même cru bon d'ajouter, ne va pas me dire que je ressortirai amoureuse de mon partenaire. Béa m'a fait un grand sourire et sa réponse a achevé de me convaincre. Penses-tu pouvoir tomber amoureuse d'une statue de Praxitèle ou d'un tableau de Cézanne? Non, bien sûr. Mais tu ressors de ce moment en ressentant ce que ce monde a de beau. Je lui ai demandé si elle parlait d'expérience, si elle avait testé. Sa réponse a été claire. Crois-tu sinon que je t'en aurais parlé? J'interromps Nathalie. À l'institut, qui donc ont-ils comme adhérents? Des hommes et des femmes comme toi et moi, très pris par leur activité professionnelle et qui ont besoin de lâcher prise. Ceux qui se retrouvent au Saphir sont des célibataires, mais pas uniquement. J'ai aussi retrouvé quelques couples. Nathalie a terminé son exposé. Assise, les bras remontés sur la poitrine, les mains croisées sur le ventre. Elle me dévisage de ses grands yeux bleus dans lesquels transparaît l'inquiétude d'avoir été un peu trop directe. Comme je ne réagis pas, elle demande d'autres questions. Je refais surface. Non, j'essaie juste d'intégrer ce que tu m'as expliqué. Rassurée, elle me prend les mains. Tu sais, leur activité va bien au-delà d'un simple business. Ça fait partie de leur culture et c'est beaucoup plus spirituel que tu ne l'imagines. D'autant que pour les massages, ça se passe au saphir ou ailleurs. Quelque chose dans son regard ou dans son attitude aurait dû m'alerter sur ce qu'allait suivre. Mais je n'ai jamais été ailleurs, et j'ai été très sélective quant au choix de mes partenaires. Je suppose qu'au début, tu as dû choisir des hommes expérimentés et ayant une longue pratique du tantra. Il n'y a plus une once de malice dans son regard. Je n'y lis que du bonheur, celui de pouvoir se livrer sans retenue à l'homme qu'elle aime, le même bonheur que je ressens en recevant le don de son intimité, de son jardin secret. Je n'ai même pas besoin de fermer les yeux pour que ses mots se forment en image et me transportent près d'elle dans les salons du saphir. Elle doit le sentir, car elle répond à ma question sans même une hésitation, caressant mes cheveux avec une infinie tendresse. J'ai fait une fois l'amour avec un adhérent de 60 ans, et je peux te dire que je n'ai pas vu son âge. Je l'ai même trouvé très séduisant avec ses rides et ses cheveux blancs, et en plus avec son expérience du massage, je peux te dire. Zut, comment dit-on en français? Ah oui, qu'il m'a envoyé au plafond. En une fraction de seconde, je visualise la scène. Nathalie, l'orgasme qu'il envoie au plafond, et ne peut retenir un rire. Si on m'avait dit un jour que je serais profondément heureux que la femme que j'aime raconte ses exploits sexuels, j'avoue que je ne l'aurais pas cru. Non, j'embrasse ses tétons, des bisous légers comme des papillons. Alors comme ça, ce gentleman t'a envoyé au plafond. Quel talent! Elle sourit. Oui. Il était vraiment très doué, avait plus de 20 ans d'expérience de massage tantrique. J'ai eu beaucoup de chance de le rencontrer et de le retrouver comme partenaire. Tu sais, ce qui est merveilleux dans cette pratique, c'est que le sexe est totalement libéré des pesanteurs de la morale occidentale. Ce n'est que de la joie et un plaisir. Comment dirais-je? Oui, c'est ça, un plaisir lumineux. Ses yeux sont toujours aussi tendres. Je t'aime, John, si tu savais comme je t'aime. Je t'aime aussi, Nat, très fort. Elle vient se nicher dans mes bras et me tend ses lèvres. Notre baiser est très doux. Je mange doucement sa bouche. Elle se replace dans mes bras comme tout à l'heure et prend une de mes mains qu'elle referme sur son sein. Bien. Où en étais-je? Ah oui, j'ai donc pris rendez-vous chez ma gynécologue pour me faire prescrire la pilule, par précaution. Parce que si je n'étais pas sûr de donner une suite à ma première entrevue, j'étais par contre sûr d'une chose, j'avais terriblement besoin de faire l'amour. La perspective de ce rendez-vous avait débloqué quelque chose en moi. J'étais assez fébrile de voir les heures s'écouler trop lentement. J'avais ouvert la boîte, pas celle de Pandore, mais celle des roses, ou plutôt de Shakti. Il fallait absolument que je consomme, au risque d'être terriblement déçu. D'un autre côté, je me disais que je ne le serais pas, car Béa était leur adhérente depuis plus d'un an, et je la savais très exigeante. On s'est revus pour déjeuner le lendemain, jour de mon premier rendez-vous, et Béa m'a rassuré en m'expliquant que les femmes fréquentant l'institut étaient des cadres, mamans célibataires ou divorcées, très occupées par leur job et l'éducation de leurs enfants, et qu'ils n'avaient pas de temps à consacrer à une relation suivie. Je lui ai tout de même demandé si ces pratiques étaient légales en France, parce qu'aux USA on ne badinait pas avec la loi, et que mon poste à l'ambassade ne me permettait pas le moindre écart. Là aussi, Béa m'a rassuré, m'expliquant que l'institut avait pignon sur rue et était tout ce qu'il y avait de plus légal au même titre que le saphir. Mais, avait-elle rajouté, Sajni t'expliquera tout ça mieux que moi. Sajni signifie la bien-aimée. Elle reçoit personnellement les nouveaux venus pour cerner leur personnalité et leurs attentes. Nathalie marque une pause, un petit regard pour s'assurer que je suis toujours attentif et elle continue. Le lendemain, j'ai quitté mon travail une heure plus tôt et je me suis rendu à l'adresse indiquée dans le premier arrondissement. C'était un immeuble haussmannien, entrée très cossue, plaque de cuivre. À cet instant de son récit, Nathalie s'interrompt et me demande d'une petite voix de miel. « Tu ne voudrais pas aller nous chercher deux verres de champagne? Je crois que j'en ai besoin. » Lorsque je reviens, elle reprend le fil de son histoire. J'ai donc été reçu par Sajni, une femme charmante d'une quarantaine d'années. Grande, brune, allure sportive, très jolie, avec de grands yeux noirs magnétiques. Elle a pris le temps de tout m'expliquer pendant une heure, me précisant qu'elle supervisait personnellement le premier et le dernier cours. Je questionne. Superviser personnellement, c'est-à-dire? C'est-à-dire qu'en plus du formateur, elle était présente lors de la première séance pour s'assurer que l'adhérent pouvait passer sans problème aux séances suivantes, mais aussi pour la dernière avant d'envisager une première séance de massage. Je prends l'air intrigué. Et combien de séances faut-il avant de passer une première soirée au saphir? Les yeux de Nathalie pétillent. Pour ma part, j'y suis allé très vite. Quoi? Tu as commencé tout de suite, juste après le premier cours? Ma mimique l'amuse beaucoup. Non, bien sûr. J'aurais pu pour des soirées classiques, mais pour les massages tantriques, j'ai dû attendre un mois. Après le cinquième cours. D'abord, de faire connaissance avec quelques messieurs et aussi pour la pilule, par précaution, parce que je n'avais pas envie de tomber enceinte lors de ma première visite au saphir. J'avais un sérieux retard à rattraper, mais quand même. Là, je suis scotché. Parce que tu as consommé la première fois que tu allais au saphir. Oui, mais tu sais, comme je te l'ai déjà expliqué, ce n'est pas qu'un simple rapport sexuel. 2 heures, ça ferait un peu long, et je n'ai pas eu de rapport chaque soirée, mais... Elle adore me taquiner, et s'amuse à me donner de petits coups de patte comme un chat, à griffe rentrée. Mais... je dois reconnaître que j'en ai eu pratiquement à chaque fois. Je lui donne une tape sur une fesse. Coquine! Elle se recule et me fixe de son regard filtrant. Dis-moi que tu n'aimes pas, quoi, que je sois une coquine. J'embrasse ses seins, son ventre. J'aime tout de toi et surtout la coquine. Elle se cambre et me présente l'autre fesse. Qu'attends-tu? Elle est jalouse? Une petite tape sur la fesse jalouse. Elle s'étire comme une chatte repue et poursuit son histoire. Je dois dire qu'une certaine pratique du yoga m'a beaucoup aidé à être une coquine et avoir quelques orgasmes tantriques. Je dois quand même reconnaître que si cette pratique sexuelle est très efficace pour retrouver l'équilibre de son corps et de son esprit, ce ne peut être qu'un complément. Il y manque une certaine forme de spontanéité. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai recours aux petites annonces. La fréquentation régulière des adhérents de l'institut étant finalement quelque peu frustrante sur le plan des échanges habituels entre deux êtres humains. Elle revient se blottir contre moi avec son sourire malicieux. Crois-moi, ça fait un bien fou de faire l'amour sans avoir au préalable à se concentrer sur sa respiration et ses chakras. Cependant, au niveau d'abstinence où j'étais, les séances tantriques m'ont fait beaucoup de bien dans tous les sens du terme. Je l'interroge du regard. Je ne voudrais pas qu'elle confonde curiosité et inquisition, mais ne peut m'empêcher de poser la question qui me brûle les lèvres depuis tout à l'heure. Tu parlais de fréquentation régulière. Est-ce que ça veut dire que tu y vas régulièrement? Elle rit. Non, que j'y allais. Ça fait plus de 2 mois que je ne suis pas retourné au saphir, et d'ailleurs, la dernière fois, c'était même pas une soirée tantra. Après, j'étais trop occupé à gérer mes petites annonces. Et maintenant que tu es dans mon cœur, il risque de m'attendre un certain temps. Elle fronce les sourcils. Sauf si... Je la regarde, intriguée. Comme d'habitude, cela semble beaucoup l'amuser. Sauf si... Nous décidons d'y aller ensemble. Ce qui peut présenter un certain intérêt. Un certain intérêt. Je n'ai pas la moindre idée de la façon dont ça se passe. Elle prend un air mystérieux. Ça se passe merveilleusement bien. Et je serai là pour t'accompagner dans la découverte du tantra. Elle prend un petit air détaché. Mais nous pouvons tout aussi bien y aller sans pour autant nous préoccuper de tantra. Il y a aussi les coins câlins, et nous devrions y retrouver quelques-uns de mes partenaires. Je crois que ma mâchoire est à peu près au niveau de mes genoux. Je bafouille. Tu veux parler d'ex-partenaire ? Rire amusé. Elle me fait un bisou sur le bout du nez. Le regard qu'elle me lance est chaud comme la braise. Ou d'autres qui pourraient le devenir. C'est un peu comme si une main géante m'empoignait le bas du ventre, déclenchant une série de flashs, tous plus osés les uns que les autres. J'ai l'impression d'être ivre. Je ne sais si Nat se méprend vraiment sur ma réaction. Mon chéri, personne n'est obligé à quoi que ce soit. Nous pouvons très bien nous contenter de dîner ou boire un verre. Il faut seulement être en harmonie l'un avec l'autre, mais je crois qu'il faudra qu'on le fasse un jour. Elle abandonne le sentier du libertinage pour revenir au tantra. Je pense que le corps est un temple sacré, et que Dieu l'a voulu ainsi. Lui rendre hommage dans ce temple est une des plus belles choses qui soient, et c'est ce que croient les adeptes du tantra. Les fois, trop rares, où j'ai eu un orgasme tantrique, je me suis senti meilleur, en paix avec moi-même, en paix avec les autres. Tu sais, c'est un peu comme avec la prière lorsque tu es profondément dans ta méditation. Revenant à nous, elle me dit toute câline, « Tu sais, rien ne presse, nous avons tout le temps pour mieux nous connaître. » Et nous avons encore tant de choses à faire avant de penser au tantra. Je l'écoute, absolument fasciné par sa beauté, cette beauté transcendée par ses paroles. Elle croit profondément à ce qu'elle dit, et je suis certain qu'elle ne triche pas. Elle a la sincérité, la générosité et l'amour. Je ne sais pas si c'est la définition d'un ange, mais ça doit s'en approcher. Plongé dans ma réflexion, je dois pour le moins avoir un air bizarre. Elle serre légèrement mes doigts. « John, ça va ?» Je la regarde un petit moment sans rien dire, lui souris, caresse sa joue. Merci pour ta spontanéité. Je sais mieux que personne quelle frustration peut engendrer une sexualité sclérosée. C'est ce qui est en partie responsable de mon naufrage conjugal. Alors, sacré bon sang, je suis d'accord pour que nous y allions sans rien nous interdire. Oui, ce sera un hommage à la vie. À l'instant où je prononce le dernier mot, je vois de grosses larmes rouler sur ses joues. Elle prend mon visage entre ses mains comme si elle contemplait l'immensité de l'univers. « Je t'aime tant, John. Tu es mon amour, mon bel amour, et je sais que c'est le Seigneur qui m'a donné à toi. » Ses lèvres ont un goût de larmes, des larmes de joie. Elle a fermé les yeux comme si elle cherchait quelque chose loin, très loin, au plus profond d'elle-même. « Tu sais, oui, je te l'ai déjà dit, j'ai 33 ans, et jamais je ne me suis comporté comme ça avec un homme. Avec toi, tout est si différent. Je t'ai aimé à la seconde même où je t'ai vu. J'ai parfois l'impression d'être très vieille, de te connaître et de t'aimer depuis la nuit des temps, et que je t'aimerai l'éternité. Et il y a ce besoin irrépressible de tout te montrer de moi, que tu connaisses chaque seconde de ma vie, que tu vois tout au fond de mon cœur, te faire partager chacun de mes chagrins, chacune de mes joies, chacune de mes folies, te dire tous mes désirs, même les plus cachés. Je ne sais pas si c'est mon âme celte qui me joue des tours, mais j'ai besoin de tout te dire, comme si ma vie ou plus que ma vie en dépendait. C'est quelque chose que je ne maîtrise pas, John, comme un raz-de-marée qui vient du plus profond de moi. J'ai toujours éprouvé ce besoin d'exhiber mon corps au plus intime, mais jamais avec cette intensité. Avec toi, c'est très fort. C'est un tel bonheur, John. Jamais je n'ai ressenti ça. Je ne sais pas ce qui m'arrive, et ça me fait un peu peur. Elle a dit tout cela d'un trait, sans reprendre son souffle. Elle rajoute, toute tremblante. C'est irraisonné. Je sais que je n'ai rien à craindre, mais je ne peux m'empêcher d'avoir peur. Peur que tu me croies folle ou, pire que ça, complètement détraquée, et que tu t'éloignes jamais. Je la prends dans mes bras et la serre très fort contre moi. Nathalie, je t'aime tant que jamais je ne pourrai te quitter. Je crois que j'en mourrai. Moi aussi, j'ai plein de choses à te dire. J'ai besoin de me raconter. Seulement voilà, je crains que ce ne soit pas aussi beau qu'une scène d'amour dans laquelle tu t'abandonnes à un amant. Tu es un être pur, Nat. Et je le sais, aucune de tes pensées, aucun de tes actes, de tes gestes ou des mots que tu prononces ne peut être laid. Tu m'as raison de croire en Dieu. Et nous l'avons déjà dit, Ce qui nous arrive n'a rien à hasard. Alors dis-moi ce que tu as envie de me dire, et que les bien-pensants et les dévots aillent se faire voir. » Je la tiens à bout de bras et la regarde au fond des yeux pour qu'elle sache que chaque mot que je prononce vient du fond de mon âme. Je ne sais si elle me voit tant ses yeux sont pleins de larmes. Elle renifle, s'essuie le nez d'un revers de main. Son magnifique sourire est comme un arc-en-ciel. Alors, c'est vrai, tu n'y verras jamais rien d'obscène, parce que c'est beau, tu sais. Qu'avec toi une scène d'amour puisse être belle, qui pourrait en douter? Et tu me dirais avoir fait l'amour avec le diable, que je te répondrais sans hésiter, qu'alors le diable est redevenu l'ange, qu'il était avant sa déchéance. Encore de grosses larmes, et le soleil de son sourire illumine à nouveau son visage. Je l'embrasse. Es-tu sûr que leur lane ne se traduit pas par rainbow en anglais? Nathalie Rainbow. Je trouve que ça sonne bien. Son rire est un vrai bonheur. Non, hélas. La signification de mon nom est bien moins poétique. Mon véritable nom en gaélique, Eilish Nick Lorlane, signifie Eilish la fille du viking. Tu vois, une fille de viking née au Texas, ce n'est pas très glamour. Je pense exactement le contraire. Les vikings m'ont toujours fasciné. C'est sans doute pour cela que tu me fascines. Elle se serre très fort contre moi. Veux-tu donc bien que Scheherazade poursuive son récit? Je la taquine. Ah bon, parce qu'il y a une suite? Son tonus retrouvé, elle me lance un regard de défi. Oui, il y en a une et j'en garde un souvenir délectable. Mais puisque ça ne t'intéresse pas, je me rends sans combattre. Si, par pitié, Scheherazade, raconte-moi la suite de tes voyages au royaume du Tantra et dans les salons du Saphir. Elle éclate de rire. Je ne sais lequel des deux est le plus coquin. Je crois que sur ce point et sur bien d'autres, nous sommes au diapason. Donc, première soirée au Saphir. Elle s'interrompt. Le vertige du temps. Mon Dieu, et dire que c'était il y a 3 ans. Je brûle d'impatience de connaître la suite. Tu n'étais pas un peu nerveuse? Si, mon adorable petit curieux, mais j'étais surtout terriblement excitée. Avant que de me décider, j'en ai d'abord parlé à Sagenet, qui m'a suggéré de choisir Alain, un monsieur d'une 60aine d'années, que j'avais déjà remarqué dès le premier coup pour la sérénité qui se dégageait de sa personne. J'avais eu aussi l'occasion de bavarder une ou deux fois avec lui, et l'avait trouvé encore plus séduisant de près que de loin. Il émanait de lui un tel magnétisme. C'est sûr, j'y étais tellement manque que j'aurais même trouvé séduisant un homme petit, chauve et bedonnant. Bref, j'avais déjà discuté avec lui, mais ce jour-là, j'ai intercepté Alain à la fin d'un cours, et après l'échange de quelques banalités, je lui demandais s'il acceptait de me coacher. Je pouffe, ce qui fait froncer les sourcils à Nathalie. Qu'ai-je dit de si drôle? J'ai du mal à garder mon sérieux. Je trouve le terme élégant, et bien que je n'ai jamais fréquenté d'hippodrome, il évoque plutôt, pour moi, l'image de driver une pouliche. Je n'aurais pas dû plaisanter là-dessus, Nathalie me cloue d'une phrase. Je me vois si bien en pouliche, mais je préfère te monter à cru plutôt qu'à clé. Seigneur, j'en ai le souffle coupé, tandis qu'une image dévastatrice que j'essaie en vain de chasser s'incruste dans mon esprit. Nathalie observe avec amusement les effets de sa réplique et ne résiste pas à me porter le coup de grâce. Ça ne faisait pas partie de mes fantasmes, mais la perspective me paraît intéressante et je vais sérieusement y réfléchir. J'ai du mal à récupérer. Ok, je me rends. Je devrais le savoir, à ce petit jeu, je ne suis vraiment pas de taille. Elle me regarde tendrement, mais elle n'en a pas fini avec moi. Je ne suis pas de cet avis. Je trouve au contraire que tu es d'une taille très convenable. Elle éclate de rire et me couvre de bisous. Son regard est chargé de tendresse. C'est extraordinaire, mais je n'aurais jamais imaginé pouvoir un jour parler comme ça avec un homme. Avec toi, tout est limpide. Les mots me viennent comme l'eau jaillit d'une source. Elle s'assied en tailleur devant moi, le dos bien droit, les seins pointant fièrement. Allongée sur le côté, appuyée sur un coude, j'écoute la suite de son récit. C'est étrange, bien qu'elle parle, c'est comme si je n'entendais aucun son. En fait, ses lèvres forment des syllabes et les syllabes des mots, mais chaque mot est une perle de lumière, et les mots s'imbriquent, s'assemblent, forment des phrases dont chacune est une image. Les images d'un univers d'amour au cœur de son âme. Et je suis là, avec elle. Près d'elle, je vais vivre chaque moment, chaque seconde de cette soirée avec Alain. Avec beaucoup de tendresse et une grande douceur, il va l'amener dans un monde magique dont elle ignorait tout. Pendant 1 heure, mon maître dévoilait les mystères du tantra, où chaque effleurement, chaque pression d'un doigt ou d'une main sur ses reins et jusque dans les endroits les plus secrets de son corps, vont concentrer son énergie sexuelle au creux de son ventre. Je ressens le feu dans ses reins, et lorsqu'elle me dit comment leurs sexes se joignent, je suis elle. Je suis elle, mais je suis aussi l'homme qu'elle accueille au plus intime. L'accouplement est lent et long. Le temps et la conscience s'étirent. Après une longue jouissance, la maîtrise exceptionnelle qu'a ce magicien de son propre corps et de son esprit va la faire exploser en une myriade d'étoiles. Il l'a assez privée d'amour depuis trop longtemps. Elle la reprend une deuxième fois. Une deuxième fois plus virile où elle exige de ne plus être ménagée. À la fin de la longue chevauchée, elle crie de plaisir et sanglote de bonheur. Puis, longtemps après, alors qu'elle repose apaisée à son côté, il lui dit son émotion et sa joie d'avoir été l'acteur et le témoin d'un orgasme féminin aussi puissant. Elle lui répond que cela n'a été possible que grâce à sa maîtrise du tantra. Elle l'en remercie ainsi que pour l'abondante offrande dont il a abreuvé son corps. Il y a déjà de longues minutes que Nathalie s'est tue. Elle me regarde avec ce sourire si particulier que jamais je n'ai vu ni ne reverrai sur aucun autre visage. Je suis sur un nuage et m'y sens si bien que je n'ai pas du tout envie d'en redescendre. Mon élocution est un peu hésitante. Ton premier orgasme au saphir. Rien qu'à t'écouter, je n'en étais pas loin, et pourtant, tu ne m'as même pas touché. Es-tu une fée, une magicienne? Ces mots sont comme une caresse. Je suis surtout la femme qui t'aime. Son regard se fait plus appuyé. De ce qu'était ce premier orgasme au saphir et de ce que sont les nôtres, je peux prédire sans hésitation qu'avec toi, là-bas, ce sera merveilleux. Elle me prend les mains. Il faudra vraiment que nous le fassions. Puis elle a un petit rire. Mais ne brûlons pas les étapes. Je vais d'abord savourer chaque minute passée dans tes bras. Par exemple, maintenant, répondre aux milliers de questions qui se bousculent dans ta tête. Je l'attire doucement vers moi. Je ne sais s'il en a mille, mais à cet instant une seule me vient à l'esprit. Sa main se referme sur moi. Ses yeux me mangent. Si j'en crois cet argument, ce doit être une question très, très importante. L'appréhension se change en caresse. Elle rit. Je t'écoute. Je tout saute pour m'éclaircir la voix. Ça s'est souvent reproduit, je veux dire aussi fort. Elle réfléchit une seconde. Lorsque j'avais la chance de rencontrer Alain, c'était chaque fois le même émerveillement, mais elle s'interrompt, puis sourit comme si elle se rappelait quelque chose d'agréable, de très agréable même. Il serait injuste de ne pas citer un des professeurs, un maître de tantra avec lequel j'ai passé de merveilleux moments. Et puis, ah oui, il y a eu aussi Serge, le patron du saphir, le plus ancien adhérent de l'institut. Il lui arrivait quelquefois d'animer des séances en l'absence d'un professeur. Mais paradoxalement, je n'ai jamais eu de rapport tantrique avec lui et... J'ai la bouche aussi sèche que de l'amadou lorsque je l'interromps. Pas de rapport tantrique, tu veux que... Pas de rapport tantrique, tu veux dire que... Son sourire angélique désarmerait un bataillon de l'Inquisition. Oui, je ne sais pourquoi, avec lui c'était très particulier. Tout débutait par le massage tantrique classique et spontanément, au bout de quelques minutes, nous revenions à notre bon vieux rituel occidental. Elle rit. Je me souviens surtout de notre deuxième rencontre. Il avait tenu à me présenter sa femme dont j'étais ravi de faire la connaissance. C'est grâce à eux qu'ensuite j'ai rencontré la plupart de mes autres partenaires, mais ça je te raconterai un autre jour. Hein? Parce que... Oui, mon adorable petit coquin, ne me demande pas combien, en 3 ans, je ne les ai pas comptés, mais Alain était mon préféré. J'étais toujours très émue, et aussi, je dois bien l'avouer, très excitée et très impatiente de le rencontrer. J'essaie de prendre un air détaché pour demander... Ce n'est tout de même pas un peu déstabilisant, je veux dire, avec quelqu'un de pratiquement le double de ton âge. Le sourire de Nathalie en dit long. La première fois, peut-être. J'étais un peu anxieuse, mais tu sais, Alain... Oui. Alain, elle rit, c'est un très bel homme, très séduisant et très cultivé. Il y a un détail, cependant. Mon expression semble beaucoup l'amuser. Il a beaucoup de poils sur la poitrine, une magnifique toison blanche. Mais les détails de cette nature ne t'intéressent sans doute pas. Je ne sais pas quelle tête je fais. Si, on dirait que ça t'intéresse. Je bafouille. Certains détails peuvent avoir quelque intérêt. Elle me dévisage, la tête inclinée sur le côté, les yeux mi-clos. « Certains seulement ?» Ma réponse, même si elle est muette, est suffisamment éloquente. Elle s'allonge contre moi, pose sa tête sur mon épaule. « À la façon dont tu me regardes, je te sens un peu gêné, et je ne sais plus quoi penser. Ai-je eu tort de te raconter tout ça, et avec tant de détails ?» Voilà bien une preuve de plus que ma diablesse lit dans mes pensées. Je suis effectivement un peu gêné, mais pas du tout par ce qu'elle croit. Je toussote pour m'éclaircir la voix. Ce ne sont pas tes confidences détaillées qui me gênent, bien au contraire. Je suis profondément heureux que tu me fasses partager des moments aussi intimes, contrairement à ce que tu pouvais craindre. Je suis admiratif de la femme totalement décomplexée que tu es. Sensible au compliment, elle a le rose aux joues, mais se reprend très vite. Mais alors, qu'est-ce qui te gêne? Là, c'est moi qui dois rougir. J'arrive à ne pas baisser les yeux, mais pas à m'empêcher de bafouiller. C'est le fait de me rendre compte que j'ai tellement aimé ce que tu m'as raconté qu'en fait, je dois reconnaître que j'aurais voulu être là avec toi. Pendant que tu. Je m'attendais à tout le moins une moue surprise, voire réprobatrice. C'est tout au contraire un sourire aussi magnifique qu'un lever de soleil qui m'est offert. Ce n'est pas exagéré de dire que le ravissement se lit sur son visage. À son tour de bégayer. John, c'est vrai. Tu aurais voulu me voir faire l'amour avec Alain. Il n'existait qu'un homme comme toi. Et tu es là, dans mes bras. Elle prend mes mains. Les couvre de petits baisers. Mon Dieu, il y a à peine 3 semaines que nous nous connaissons. Comment est-ce possible? Elle m'embrasse. Et les quelques phrases qu'elle chuchote au creux de mon oreille me font bouillir le sang. Le résultat était inévitable, elle en est ravie. Je ne m'attendais pas à une réponse aussi rapide. Je suppose que c'est un oui. J'essaie de rassembler ce qui me reste de raison. Tu voudrais vraiment? Elle me fixe intensément. Je crois que tu en as autant envie que moi. Tu l'as déjà fait? Non, jamais. Ce n'était qu'un fantasme. Je ne comprends plus. Mais qu'est-ce qui a changé? Est-ce l'ange ou le démon qui me répond? Ce qui a changé, c'est que je n'avais jamais aimé quelqu'un comme je t'aime. Je t'aime si fort, John, que je veux tout vivre et partager avec toi, et ces moments-là en particulier. Elle prend mon visage entre ses mains. Mais toi, es-tu vraiment certain de le vouloir? Les yeux dans les yeux, je m'entends lui répondre. Aussi certain que de mon amour pour toi. Oui, j'en ai très envie. Elle se mordit les lèvres. L'émotion et l'excitation ont bu ses yeux. Je le savais, je l'ai ressenti très fort. Sa main dans mes cheveux, une perle d'eau sur sa joue. Et quelque chose me dit que ce sera magique. Elle rit et roule sur moi, me noyant dans le flot de ses longs cheveux blonds. Ainsi s'achève Les âmes sœurs, livre premier de la prophétie de Dog Lundgren.